On m'a dit que j'étais un loufoque. Ce jour-là, un jeudi, j'ai pleuré. Je suis pas un loup et encore moins phoque. Excusez-moi, mais vous avez vraiment de la merde dans les yeux. Je ne suis pas ici pour cautionner vos délires visuels. Il faudrait peut-être songer à aller consulter un ophtalmo. Je suis sûr qu'une bonne paire de lunettes rendrait bien les choses. Et ça éviterait sûrement quelques altercations. Je ne suis pas un loup et encore moins phoque. Excusez-moi, mais vous avez vraiment de la merde dans les yeux. J'ai vraiment une tête à faire. Bon, bon. Connard, va.